En Corée du Sud, selon la Voix du Peuple, journal d'internet sud-coréen, une dizaine de milliers de syndiqués de la Confédération nationale des unions syndicales démocratiques se sont mis à la lutte le 25 à Séoul contre la politique de travail antipopulaire des autorités. La Confédération a proclamé au Rassemblement national des ouvriers tenu sur la place de Séoul de livrer jusqu'en juillet la grève générale successive et la lutte générale pour la hausse de salaire maximum et l'abolition des emplois irréguliers. Après le rassemblement, les participants sont descendus dans la rue depuis la place de Séoul jusqu'à la place de Chonghae pour s'y réunir de nouveau.